والعصر والشمس نقية. Et il priait la prière de l'Asr lorsque le ciel était, lorsque le soleil était pur. والمغرب إذا وجبت. Il priait ou il accomplissait la prière du Maghrib lorsque le soleil s'était couché. والعشاء أحيانا وأحيانا. Et la prière de l'Isha tantôt et tantôt. Et on verra ce que signifie cette parole de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Lorsqu'il les voyait se réunir, il s'empressait. Et lorsqu'il les voyait retarder ou en retard, il retardait. C'est-à-dire que lorsque le professeur Hassanem voyait les gens réunis à la mosquée, alors il priait la prière de l'Isha. Et lorsqu'il voyait que les gens tardaient et qu'ils mettaient du temps à se réunir, alors il retardait la prière de l'Isha et la prière de Subh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié au moment du ghalas. Et le ghalas, on l'a expliqué sa signification lors du dernier cours. Qu'est-ce que le ghalas? Abdelhaq? Ya tadri? Oussama? Naam? Non. C'est quoi la définition de la ralas? Plus précisément le mot al-ralas. La question elle est vraiment précise. Naam akhi? Al-ralas, s'il y a un peu de l'obscurité, pas de sadir. Plus précisément, c'est quoi la définition qu'on avait donnée? C'est lorsque l'obscurité de la nuit est mélangée à la lueur de l'aube. C'est ce qui est appelé al-ghalas. Autrement dit, au début, lorsque l'aube apparaît. Puis, Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah, explique, comme pour son habitude, les termes qui mérite explication et éclaircissement. أولاً الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال مأخوذة من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر. Premièrement, الهاجرة, lorsque Jabir ibn Abdullah a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière de Dhuhr au moment de الهاجرة. الهاجرة, c'est le moment où il y a la forte chaleur après que le soleil ait dépassé son zénith. Et le mot hajira a pour racine, ou le sens a pour origine, le moment où les gens quittent leur lieu de travail à cause de la forte chaleur. Donc al-hajira, vous voyez qu'il y a la racine de hajara. Et hajara, c'est émigré, quitté. ثانيا نقية صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. Lorsque le professeur sallam, ou lorsque Jabir ibn Abdullah a dit que le professeur sallam priait l'Asr lorsque le soleil était pur, c'est-à-dire que le soleil était net, à savoir que sa lueur, la lueur du soleil ne comportait pas de modification ni ne tendait pas vers la couleur jaunâtre. ثالثا إذا وجبت سقطت وغابت يعني الشمس. Et il priait la prière de l'Maghrib lorsque le soleil tombait ou lorsqu'il se couchait. Et de façon plus précise, la prière du Maghrib commence lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon. Lorsque le disque solaire disparaît totalement à l'horizon, alors l'heure du Maghrib entre. رابعا الغلس بفتح الغين واللام ظلام آخر الليل مع ضياء الشمس وتقدم. Et الغلس, comme cela a été expliqué précédemment, c'est le mélange de l'obscurité de la nuit avec les lueurs de l'aube. ثم يقول المؤلف رحمه الله أو الشارح رحمه الله المعنى الإجمالي في هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس، فصلاة الظهر حين تميل الشمس عن كبد السماء، والعصر تصلى والشمس ما تزال بيضاء نقية لم تخالطها صفرة المغيب، وقدرها أن يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، والمغرب تصلى وقت سقوط الشمس في مغيبها، وأن العشاء يراعى فيها حال المؤتمين، فإذا حضروا في أول وقتها وهو زوال الشفق الأحمر صلوا، وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل، فإنه وقتها الأفضل لولا المشقة، وأن صلاة الصبح تكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام. Donc le sens général du hadith. Dans ce hadith, il y a l'explication des heures préférables et les heures recommandées pour accomplir la prière et de ce qu'il les heures dans lesquelles il est le plus recommandé d'accomplir sa prière. Et ceci pour les cinq prières. Quant à la prière de Dhuhr, elle s'accomplit lorsque le soleil dépasse le zénith. Et le soleil est à son zénith lorsqu'il est au milieu du ciel ou lorsqu'il n'y a pas d'ombre. Hein? Lorsqu'il est au milieu du ciel. Et en général, lorsque le soleil est au milieu du ciel, alors il n'y a pas d'ombre. Car le soleil est juste au-dessus de toi et tu ne vois donc pas d'ombre. Et lorsque le soleil se décline et qu'il descend vers la trajectoire du coucher, eh bien l'heure du dhuhr entre. Et l'heure de l'asr est accomplie lorsque le soleil est blanc, pur, il n'est pas mélangé à cette couleur jaunâtre. Et Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit « وَقَدْرُ هَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ ظِلِّ الزَّوَالِ » Et comment estimer l'heure de l'asr? C'est lorsque l'ombre de la chose a la même taille que cette même chose. L'ombre d'un être humain, eh bien la taille de cette ombre est exactement la même que cet être humain. Si c'est un arbre, si c'est toute autre chose, eh bien, lorsque son ombre est égale ou à la même taille que cette même chose, alors l'heure de l'asr entre. Et Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, a donné une explication en plus, et ceci après l'ombre du zénith. C'est-à-dire que dans la journée, combien de moments de la journée, l'ombre de la chose peut être égale à cette même chose? Deux fois. Avant le zénith et après le zénith. Avant le zénith et après le zénith. Lorsque le soleil se lève, eh bien, entre son lever et le zénith, il y aura un moment où l'ombre de la chose aura la même taille que cette même chose. Et la même chose lorsque le soleil dépassera le zénith et qu'il se dirigera vers le coucher ou qu'il tendra vers le coucher, alors également il y aura un moment où l'ombre de la chose aura la même taille que cette même chose. Et donc cet ajout est extrêmement important, car si c'était que l'ombre est égale à la chose, alors il y aurait deux horaires possibles pour Al-As, or cela n'est pas possible. والمغرب تصلى وقت سقوط الشمس في مغيبها. Et l'heure du maghrib ou la prière du maghrib s'accomplit lorsque le soleil se couche. Et la prière de l'Isha s'accomplit en fonction de l'état des prières. S'ils sont présents au début de son heure, alors elle doit être accomplie au début de son heure. Et le début de l'heure de l'Isha, c'est la disparition du crépuscule. Et le crépuscule, qu'est-ce que c'est? Al-Shafaq al-Ahmar, c'est la lueur rouge. La lueur rouge que l'on voit lorsque le soleil se couche. Avant le coucher ou après le coucher? Après le coucher. Et comment cela s'explique? Pourquoi il y a cette lueur rouge? L'obscurité avec les lueurs du soleil, non? Non. C'est pas comme le Ghalas. C'est pas comme le Ghalas. On avait déjà vu ça. C'est le mélange de la lueur du soleil qui se couche avec la poussière de l'atmosphère. Et c'est ce phénomène qui fait qu'il y a cette couleur rougeâtre à l'horizon. Et cette couleur rougeâtre est plus forte dans l'endroit où le soleil se couche. Lorsque cette couleur rouge disparaît, alors l'heure de l'Isha entre. Et si les gens ne sont pas présents, ou s'ils sont en retard, ou s'ils mettent du temps à se réunir, ou s'ils ne sont pas là, et cela peut être fait dans les mosquées. Une mosquée peut décider, par exemple, de prier l'Isha à une heure bien précise, de la retarder, ou plutôt de la prier bien après le début de son heure. Cela est autorisé. Il suffit seulement que les gens se mettent d'accord et qu'il n'y ait pas de contraintes. Et il est autorisé de, si les gens ne sont pas là, de retarder l'heure de l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit. Car c'est la meilleure heure pour accomplir la prière de l'Isha, s'il n'y avait pas de contraintes. Si cela n'était pas difficile, ou si cela n'avait pas été une contrainte pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien l'heure, la meilleure horaire pour accomplir l'Isha aurait été le milieu de la nuit. Et Salat al-Subh, la prière de Subh, a lieu lorsque il y a ce mélange, comme on l'a vu, entre les lueurs de l'aube et l'obscurité et les ténèbres de la nuit. فائدة يفهم من هذا الحديث أفضلية أو أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا ولكنه مخصص بحديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أو من فيح جهنم متفق عليه وفي حديث خباب عند مسلم قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر إلى وقت الإبراد فلم يجبهم وذلك لخشية خروج الوقت. Et Cheikh Al-Bassam rahimahullah fait une remarque, à savoir que l'on comprend de ce hadith qu'il est recommandé de prier la prière de Dhuhr au début de son heure, et ceci à chaque fois. Mais ce hadith, à savoir le hadith de Jabir ibn Abdillah, est restreint par un autre hadith qui est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la chaleur devient forte, فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ. أَبْرِدُوا, cela veut dire alors retarder la prière jusqu'à ce que la température baisse. Retarder la prière jusqu'à ce que la température baisse, car la forte chaleur est une émanation de l'enfer. Car la forte chaleur est une émanation de l'enfer. Une émanation de l'enfer, les savants ont divergé sur l'explication de Fayh et Jahannam. Certains ont dit que c'est effectivement des émanations de l'enfer réelles. Et d'autres ont dit que c'est une image. Et l'avis le plus sûr et le plus proche de la vérité, c'est le premier, à savoir que c'est une émanation réelle de l'enfer, et cela prouve l'immensité de l'enfer, et cela prouve également la température extraordinaire qui y est contenue. Et la preuve de cela est que l'enfer, comme c'est rapporté dans le hadith authentique, a demandé à Allah Azzawajal deux souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. Et le professeur Asselam a dit que la forte chaleur de l'été est due à ce souffle et les basses températures de l'hiver est due également au fait de ce souffle. Et également, dans le hadith de Khabbab, rapporté par Muslim, il dit « Nous avons ou nous nous sommes plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam fir ramda » c'est-à-dire nous nous sommes plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un moment de la journée où il faisait extrêmement chaud. Nous sommes plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la forte chaleur afin qu'il retarde la prière de Dhuhr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à leur demande. Il n'a pas répondu à leur demande, et les savants ont expliqué, comme le dit Cheikh Al-Wassam, que ceci de peur que l'heure ne sorte. Tu as donc le droit de retarder la prière de Dhuhr si il fait extrêmement chaud, à condition de ne pas sortir de son heure. À condition de ne pas sortir de son heure. Et donc, on rassemble les trois hadiths, le hadith de Jabir ibn Abdullah, le hadith d'Abu Huraira et le hadith de Khabbab. Comment est-ce qu'on peut les rassembler? Quelle est la compréhension ou quel est le raisonnement qui rassemble les trois hadiths à la fois? C'est que la prière de Dhuhr, la meilleure heure est de le faire au début. Sauf s'il fait extrêmement chaud. Alors le mieux est de la retarder à condition de ne pas sortir de l'heure de la prière de Dhuhr. Et cet avis rassemble les trois hadiths, et ainsi font les savants. Ils rassemblent les hadiths et ne font pas en sorte que les hadiths se contredisent, mais ils trouvent le raisonnement et la compréhension qui rassemble les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم يقول المؤلف رحمه الله أو الشارح رحمه الله ما يؤخذ من الحديث. Ce que l'on retient du hadith. أولا أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما عدا العشاء. Premièrement, que le mieux est d'accomplir les prières au début de leur heure, excepté l'Isha. Excepté la prière de l'Isha. Le mieux est de la retarder jusqu'à la moitié de la nuit. ثانياً, إن الأفضل في العشاء التأخير ويكون إلى نصف الليل كما صحت به الأحاديث إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار. Deuxièmement, nous retenons de ce hadith que le mieux pour la prière de l'Isha est de la retarder. Et de la retarder jusqu'à la moitié de la nuit, comme le hadith a été rapporté de façon authentique. Sauf si les prières sont déjà réunies à la mosquée, alors dans ce cas, on prie la prière de l'Isha de peur que la longue attente soit une contrainte pour ces prières. ثالثا إن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار. Troisièmement, le mieux pour l'imam, c'est de jauger la situation des prières entre raccourcir ou alléger la prière tout en la faisant de façon complète ou bien la retarder sans causer d'ennui ni de lassitude. رابعا في الحديث دليل على التغليس في الفجر وهو حجة على من يرى الإسفار كما تقدم. Quatrièmement, il y a dans ce hadith la preuve que l'heure de l'fajr, ou que la prière de l'fajr se fait au moment du taghlis, c'est-à-dire au début de l'aube ou de l'apparition de l'aube. Et ceci est une preuve contre ceux qui sont de l'avis que la prière de l'fajr doit être faite au moment de l'isfar. Et on avait expliqué ce sujet lors du dernier cours. Qui peut nous rappeler le cas de divergence chez les savants? Non. فإنه أعظم للأجر. نعم. نعم. نعم. أحسنت. Donc on a vu lors du dernier cours la divergence des savants sur quelle est la meilleure heure ou la meilleure horaire pour accomplir la prière de l'Fajr. Et il y a le hadith du professeur Hassan, Asfiru bil Fajr fa innahu a'zamu lil ajr. C'est-à-dire faites la prière de l'Fajr au moment où le soleil est jaune, car cela est plus méritoire en récompense. Cela est plus grand en récompense. Et certains savants ont dit, donc le mieux c'est de faire la prière de l'Fajr au moment où le soleil devient jaune, à savoir vers la fin de l'heure de l'Fajr. Et les autres savants ont dit non, il faut le faire au début comme le hadith authentique le rapporte, où le professeur Sam a prié au moment du Tarlis, et que ce hadith doit être compris, c'est-à-dire... Lorsque vous commencez à prier au début de l'heure, eh bien, lisez une longue lecture ou faites une prière longue jusqu'à atteindre le moment de l'isfar, car cela sera plus grand ou cela vous donnera une récompense plus grande et plus importante. Et on avait cité l'asar des sahab, radiallahu anhum, entre autres le asar de Abu Bakr radiallahu anhu, qui a fait cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Khamisan, fi al-hadith dalilun ala anna as-salata fi jama'atin awla min al-ityan bis-salati fi awwali waqtiha wa dhalika li mura'ati al-jama'ati fi salati al-isha. Il y a dans ce hadith une preuve que la prière en groupe est meilleure que de prier au début de son heure, mais ceci concerne la prière de l'Aïcha. طيب, الحديث السابع والأربعون, le 47e hadith. عن أبي المنهالي السيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة رواه البخاري ومسلم. Donc le 47e hadith et le hadith d'Abi al-Minhal Sayyar ibn Salama radiallahu anhu qui dit: je suis entré moi et mon père chez Abu Barzat al-Aslami radiallahu anhu, et mon père lui a dit: comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait-il ses prières obligatoires? Et Abu Barzah radiallahu anhu a répondu, il priait Al-Hajira, celle que vous appelez la première, lorsque le soleil dépassait son zénith. Et il priait Al-Asr, et l'un d'entre nous retournait chez lui de l'autre côté ou dans, au fin fond de Médine, et le soleil était encore vif. Et j'ai oublié ce qu'il a dit sur Al-Maghrib, et il préférait retarder la prière de l'Isha, celle que vous appelez Al-Atama, et il détestait de dormir avant et de parler après, et il sortait de la prière de l'Radah, qui est la prière de Subh, lorsque l'homme distinguait celui qui était assis à ses côtés, et il priait entre 60 et 100 versets. Il lisait entre 60 et 100 versets. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. غريب الحديث أولا المكتوبة هي الصلوات الخمس ويريد المفروضة les termes qui méritent explication dans le hadith. أولا le terme مكتوبة, lorsque le père d'Abi al-Minhal a demandé à Abu Barzat al-Aslami comment le professeur Aslam priait les prières al-Maktoubة, c'est-à-dire les cinq prières, celles qui sont obligatoires. Al-Maktouba est un synonyme de Al-Mafrouda. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Kutiba, c'est-à-dire furida, prescrit, rendu obligatoire. Thaniyan al-oula hiya al-dhuhr. لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. Deuxièmement, la première, lorsque Abu Barza a dit, il priait la prière de l'Hajira, et on a vu ce que c'est l'Hajira, celle que vous appelez la première. C'est bien sûr la prière de Dhuhr, car c'est la première prière que Jibril alayhi salam a enseigné au prophète sallallahu alayhi salam. Dans quel hadith? Non. Dans quel hadith le prophète Jibril alayhi salam a enseigné au prophète sallallahu alayhi salam les heures de la prière? Le hadith de Jabir. Oui, qui dit? Mais en résumé, l'âme, il est venu le premier jour, Jibril alayhi salam, au professeur alayhi salam, et lui a dit, qum, fassalli. Et le premier jour, Jibril alayhi salam, donc le hadith est long effectivement, a dit à chaque début d'heure, pour chaque prière, au professeur alayhi salam de se lever et de prier. Et la première prière qu'il lui a dit de faire ou d'accomplir, c'est la prière de Dhuhr. Puis le lendemain, Jibril alayhi salam est revenu au professeur alayhi salam, mais cette fois-ci en lui disant de se lever et de prier, non pas au début de l'heure, mais à la fin de l'heure. Ainsi, Jibril alayhi salam, par cet enseignement au professeur alayhi salam, a enseigné le début et la fin de l'heure de chaque prière. Et il a commencé par la prière de Dhuhr et a terminé par la prière de Fajr. On sait de ce hadith, ou c'est à ce hadith que fait allusion Cheikh Al-Bassam, rahimahullah. Thalithan tadhadu al-shams, tazoulu an wasat al-sama ila jihati al-gharb, wa yuqalu dhahada birijlih, ida fahasa biha. Tadhadu al-shams, c'est-à-dire lorsque le soleil dépasse le zénith du côté ou en direction du coucher, en direction de l'endroit où le soleil se couchera. Et l'on dit dhahada bi rijlihi idha fahasa biha. Et c'est une expression arabe qui veut dire fouiller la terre avec le pied. Rabi'an, وَالشَّمْسُ حَيَّهَ مَجَازٌ عَبَّرَ بِهِ عَنْ نَقَاءِ بَيَضِهَا وَالْمُرَادُ بِحَيَاتِهَا قُوَّةُ أَثَرِ حَرَارَتِهَا وَإِنَارَتِهَا. Quatrièmement, lorsque Abu Barza radiallahu anhu a dit que l'on priait l'Asr, ou il priait la prière de l'Asr, et l'un d'entre nous retournait chez lui au fin fond de Médine, et le soleil était encore vif. Il était encore vif ou vivant, si on peut traduire textuellement. Cela est une métaphore pour montrer que le soleil était encore pur, que sa couleur était blanche, et en parlant ou en utilisant le mot vif, cela veut dire que le soleil était encore, ou la lumière et la chaleur du soleil étaient encore fort. Et donc cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait l'Asr au début ou à la fin de son heure? Au début de son heure. Khamisan al-atama muharraka dhulmatu al-layl hina yaghibu ash-shafaq wa yamdi min al-layl thuluthah wa yuradu huna salatu al-isha. Cinquièmement, al-atama, qui est l'obscurité de la nuit lorsque le crépuscule disparaît. وَيَمْضِي مِنَ اللَّيْلِ ثُلُثَهُ, et lorsque le premier tiers de la nuit est écoulé. Donc Al-Atama, c'est l'obscurité de la nuit, pas à n'importe quel moment, après la disparition du crépuscule, et lorsque le premier tiers de la nuit s'est écoulé. Et bien sûr, Al-Atama, c'est la prière qui est voulue dans ce hadith, c'est bien sûr la prière de l'Isha. Sadisan, yanfatilu min salati al-ghada, yansarifu min salati al-subh. Et le professeur Assalam quittait ou terminait la prière de Subh. Yanfatil, c'est-à-dire yansarif, c'est-à-dire il part. Et salatul ghada, c'est la prière de Subh. Al-ma'na al-ijmali. Zakara Abu Barzata awqat as-salat al-maktuba. Fabtada bi'annahu kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-hajira wa hiya salatu adh-dhuhr. حين تزول الشمس نحو الغروب وهذا أول وقتها ويصلي العصر ثم يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية وهذا أول وقتها أما المغرب فقد نسي الراوي ما ورد فيها وتقدم أن دخول وقتها بغروب الشمس وكان صلى الله عليه وسلم استحب أن يؤخر العشاء لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى في آخر وقتها المختار وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها أو عن صلاتها جماعة وكان ينصرف من صلاة الفجر والرجل يعرف من جلس بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من 60 آية إلى 100 مما دلك على أنه كان يصليها بغلس. Donc le sens général de ce hadith, Abu Barza al-Aslami رضي الله عنه cite les heures des prières obligatoires et il commence par définir ou par décrire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait al-hajira, autrement dit la prière de dhuhr, lorsque le soleil dépassait son zénith en direction du coucher. Et ceci est le début de son heure. Et il priait l'asr, et l'un des prieurs retournait chez lui au fin fond de Médine, et le soleil était toujours vif. Ceci prouve le début de son heure. Quant à l'heure de Maghrib, le rapporteur a oublié ce qui a été rapporté. Qui a oublié? Est-ce que c'est Abu Barza ou est-ce que c'est Sayyar ibn Salama? Sayyar ibn Salama, car Abu Barza radiallahu anhu a décrit les heures de chaque prière, mais c'est le rapporteur du hadith, à savoir Sayyar ibn Salama, qui a oublié ce que Abu Barza radiallahu anhu a décrit ou a donné comme description. Et Cheikh Al-Bassam dit, et nous avons vu précédemment, que l'heure du Maghrib entre lorsque le soleil se couche. Et il préférait retarder le Isha, car l'heure la plus méritoire est de prier à la fin de son heure. Et il détestait dormir avant, de peur de retarder la prière de l'Isha après son heure ou de rater la prière en groupe. Et également de peur de dormir et de délaisser la prière de la nuit. Et il détestait de parler après, de peur de retarder la prière de l'Fajr de son heure ou de ne pas la prier en groupe. Et le prophète sallam partait ou quittait ou terminait la prière de l'Fajr au moment où l'homme connaissait ou distinguait celui qui était assis à ses côtés, alors qu'il lisait dans sa prière, à savoir la prière de l'Fajr, entre 60 et 100 versets. Entre 60 et 100 versets. Et comme le dit Cheikh Al-Bassam, et ce qui te prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié au moment du ralas, autrement dit, au début de son heure. Car de lire entre 60 et 100 versets, c'est un nombre conséquent de versets qui demande un certain temps de lecture. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une lecture lente et il priait ou il lisait verset par verset. Verset par verset. Et certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont même décrit la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que tu pouvais distinguer chacune des lettres. ما يؤخذ من الحديث سكنه وتن الحديث أولا بيان أول أوقات الصلوات الخمس وأن آخر جزء من وقت أي صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها ليس بين وقتيهما وقت فاصل. سكنه وتن الحديث premièrement la description du début de chaque prière et que la fin de chaque prière, c'est le début de la prière suivante, sans qu'il n'y ait de séparation entre les deux. Autrement dit, la fin de la prière de Dhuhr commence quand? Au début du Asr. Lorsque le muadzin dit Allahu Akbar ou lorsque autre chose? Non? Lorsque l'heure entre. Car le muadzin peut très bien faire l'adhan après l'heure, 10 minutes, un quart d'heure après. Et ceci, pourquoi je le dis? Car beaucoup de personnes, pendant le ramadan, attendent que l'imam ou que le muezzin dise Allahu Akbar alors qu'il voit de ses propres yeux que le soleil est déjà couché depuis 5 minutes ou 10 ou plus ou moins. Donc la rupture du jeûne, elle est en relation avec le coucher du soleil et non pas avec l'adhan. Si le muezzin est précis dans son adhan, c'est ce qui est normalement demandé au muezzin. Alors oui, mais si tu as constaté que le soleil est couché et que le muezzin n'a pas encore fait l'adhan, alors tu as le droit de rompre. Mais fais attention où tu le romps. Ne le romps pas à la mosquée, autour de beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce jugement et qui pourraient te réprimander, te critiquer en disant tu as mangé, tu as rompu ton jeûne volontairement alors que il t'aurait suffi d'attendre quelques minutes, etc., etc. Donc, c'est un jugement juridique, mais il faut savoir en user avec sagesse et de ne pas créer des fitaines, des isanis ou autres entre les musulmans. Et la preuve de cela est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le jour disparaît de ce côté, et lorsque la nuit apparaît de l'autre, فَقَدْ أَفْتَرَ الصَّائِمُ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْهَا هُنَا وَأَدْبَرَ إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. طيب. ثانيا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها عدا العشاء. Deuxièmement, il y a la preuve en ce hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم priait les prières au début de leurs horaires. Autre ou excepté Al-Isha. Donc cela vient confirmer le hadith de Jabir ibn Abdillah auparavant. ثالثا, إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل, لكن تقييد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم. Troisièmement, comme on l'a vu précédemment, que le meilleur horaire pour l'Isha est de retarder jusqu'à la moitié de la nuit, à condition de ne pas créer de la gêne pour les prières. Rabi'an, karahatu an-nawmi qabla salati l'Isha, li'alla yadhi'a al-jama'a, aw yuqi'aha ba'da waqtiha al-mukhtar. Quatrièmement, qu'il est détestable de dormir avant la prière de l'Isha, de peur, soit de ne pas prier en groupe ou soit d'accomplir la prière de l'Isha après son heure. خامسا كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر جماعة, لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين. Cinquièmement, qu'il est détestable également de parler, de discuter après la prière de l'Isha. Ceci de peur, soit de parler longtemps au point de dormir tard, de ne pas se lever pour prier la nuit, ou bien alors de tarder pour ne pas accomplir la prière du Fajr en groupe. Et ce caractère détestable, à savoir le fait que de parler est quelque chose de détestable, ne concerne pas les discussions de sciences bénéfiques et également ceux qui travaillent dans l'intérêt des musulmans. Ces deux cas de figure n'entrent pas dans le caractère détestable de parler après la prière de l'Aïcha. سادسا قوله التي تدعونها العتمة دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة, وقد جاء في صحيح مسلم مرفوعا لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء, وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية, وورد ما يدل على الجواز وأن الغضب من التسمية للكراهة فقط, ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا لو يعلمون ما في العتمة والفجر. Sixièmement, la parole de Abu Barzat al-Aslami رضي الله عنه lorsqu'il a dit celle que vous appelez al-atama. On a dit al-atama, c'est l'un des noms de al-isha. Ceci est une preuve qu'il est détestable d'appeler la prière de l'Isha al-Atamah. Car Abu Barza, radiallahu anhu, a dit, il priait l'Isha, celle que vous appelez al-Atamah, comme s'il reprochait ce nom. Il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les Arabes ne soient pas plus forts que vous concernant les noms de vos prières, car elles s'appellent, car فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاء, car dans le livre d'Allah, c'est Al-Isha. Car dans le livre d'Allah, c'est Al-Isha. Dans quel verset? وَمِنْ بَعْدِ أَحْسَنْتِ صَلَاتِ الْعِشَاء وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاء, dans surat An-Nur. أحسنت. Donc Allah Azza wa Jalla l'a appelé Salat al-Isha. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhu s'énervait lorsqu'on appelait l'Isha al-Atama. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui prouve l'autorisation d'appeler la prière de l'Isha al-Atama. Quelle est cette preuve? Et que l'énervement d'Abdullah ibn Umar n'est pas un énervement contre une chose interdite, mais contre une chose détestable. Et lorsque l'on dit détestable, est-ce que c'est autorisé ou pas? Oui. Parce que l'on dit détestable, c'est une chose que tu fais, en laquelle tu es récompensé si tu la délaisses, mais en laquelle tu ne seras pas châtié si tu l'accomplis. Et la preuve que cela est autorisé est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لو يعلمون ما في العتمة والفجر, s'ils savaient ce qu'il y a dans العتمه et الفجر, s'ils savaient ce qu'il y a dans العتمه, c'est-à-dire العشاء et الفجر, qui complète le hadith, لأتوهما ولو حبوا, أحسن, s'ils savaient ce qu'il y a dans العشاء et الفجر, ils s'y rendraient même en rampant. Même en rampant, c'est-à-dire s'il savait ce qu'il y a dans l'accomplissement de ces deux prières comme récompense. Sabi'an, an yuqi'a salat al-fajr fi ghalas, حيث ينصرف منها الرجل لا يعرف إلى من بجانبه, مع أنه يقرأ في صلاتها من 60 آية إلى 100. Et à savoir que on retient également ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la prière de l'Fajr au début de son heure. حيث ينصرف منها والرجل لا يعرف إلا من بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من 60 آية إلى 100. Et la preuve, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait la prière, l'homme ne savait que ne reconnaissait ou ne distinguait que celui qui était à ses côtés. Que celui qui était à ses côtés, alors que dans sa prière, il priait entre 60 et 100 versets. Dans le hadith, لا يعرفهن أحد من الغلس. Comment rassembler ce hadith et celui-ci? Personne ne les reconnaissait en parlant des femmes à cause du ghalas. Et dans ce hadith, que le prophète sallam terminait sa prière et l'homme distinguait celui qui était à ses côtés. Cela prouve que lorsque le prophète sallam terminait sa prière, l'homme ne pouvait, comme l'a dit Cheikh al-Bassam ici, distinguer que celui qui était à ses côtés. Pas plus. C'est ça que les femmes, lorsqu'elles partaient, elles étaient éloignées des hommes, et de ce fait, ils ne pouvaient pas les distinguer. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait, donc cela prouve que la lueur n'était pas, ou que la lueur de l'aube n'était pas forte, ou que le jour n'était pas apparent. Autrement dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait vraiment à prier la prière de l'Fajr au début de son heure. Thaminan, fadilatu tatwil al-qira'ati fi salati al-subh. Huitièmement, le mérite de lire une lecture longue dans la prière de subh. Tasi'an, وفيه أنه ينبغي لمن سأل عن علم وهو لا يعلم أن لا يستنكف من قولي لا أعلم، لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم، والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه بل شرف عظيم، حيث تورع عن الخبط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم. Neuvièmement, il y a dans ce hadith la preuve que celui qui est questionné et qui ne sait pas ne doit pas s'enorgueillir et ne doit pas refuser de dire « je ne sais pas ». Car de répondre à une question religieuse avec ignorance revient à parler sur Allah sans science, et de s'abstenir, ou qu'un savant s'abstienne de répondre à une question, cela ne le rabaissera jamais. Bien au contraire, c'est un immense honneur, à savoir qu'il s'abstient de patauger sans science. حيث تواضع فوقف عند حده من العلم. D'autant plus qu'il fait preuve, en s'abstenant de répondre sans science, d'une modestie qui l'arrête ou qui lui fait connaître ses limites dans la science. Et vous connaissez tous le hadith du prophète sallam, من تواضع لله رفعه. Celui qui s'humilie pour Allah, ou celui qui est modeste pour Allah, Allah Azza wa Jal l'élèvera. فَإِذَا إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَكْرُوهًا بَعْدَ الْعِشَاء وَهُوَ فِي الْكَلَامِ الْمُبَاحِ وَالسَّمَرِ الْبَرِيءِ فَكَيْفَ حَالُ مَنْ يَحْيَوْنَ اللَّيْلَ فِي سَمَعِ الْأَغَانِي الْخَلِيعَةِ وَمُطَالَعَةِ الصُّحُفِ وَالرِّوَايَاتِ الْفَاتِنَةِ الْمَاجِنَةِ وَمَنْ فُتِنُوا بِالْمَنَاظِرِ الْمُخْجَلَةِ وَالْأَفْلَامِ الْآثِمَةِ والألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة حتى إذا قرب الفجر وحان وقت تنزل الرحمات هجعوا فما يوقظهم من مضاجعهم إلا حر الشمس وأصوات الباعة وحركة الحياة وقد تركوا صلاة الفجر جماعة بل ربما أضاعوها عن وقتها أسف شديد وغم قاتل على أناس سارت بهم الحياة على هذا المنوال البشع ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم فضرب عليهم حجاب الغفلة فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذكرى. Puis, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, fait une remarque importante en disant « Si le fait de parler est détestable après la prière de l'Isha, sachant que l'on parle de paroles autorisées et de causeries nocturnes qui ne comportent pas d'interdit, que dire alors de ceux qui veillent la nuit en écoutant de la musique, ou en lisant ou en regardant des choses interdites? Que dire alors de ceux qui sont éprouvés par le regard de choses interdites et de films mauvais, ou de ceux qui s'amusent et qui jouent en se détournant du rappel d'Allah et de la prière jusqu'à ce que l'heure du Fajr approche et que arrive l'heure dans laquelle les miséricordes d'Allah Azza wa Jal descendent, et de façon plus précise le dernier tiers de la nuit lorsqu'Allah Azza wa Jal descend au premier ciel et dit man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, qui me demande afin que je lui donne, qui me demande le pardon afin que je lui pardonne, et Allah Azza wa Jal ne cesse de dire cela jusqu'à ce que l'aube apparaisse. Et ces personnes jouent et s'amusent loin du rappel d'Allah, loin de la prière, jusqu'à ce que la prière du Fajr arrive ou approche, c'est là où ils commencent à dormir. Et ils ne sont réveillés que par la chaleur du soleil ou par le bruit qu'il y a à l'extérieur, et ils ont délaissé la prière du Fajr en groupe, et pire encore, ils ont accompli la prière du Fajr après son heure. Grande désolence et grande tristesse pour ces personnes pour qui la vie se déroule d'une manière aussi laide, et grande désolence à ces personnes avec qui le diable a joué et les a détournés de ce qui leur est profitable vers ce qui leur porte préjudice. Ces personnes, l'on redoute pour elles qu'elles fassent partie de ceux qu'Allah a oubliés et qu'ils oublieront leur personne. Et ici, concernant la parole d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah a oublié. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal oublie? Non. La yadhillu Rabbi wa la yansa. Allah Azza wa Jal n'oublie jamais. Mais ici, le sens de an-nasi, ici, c'est at-tark. C'est le fait de délaisser. À savoir qu'Allah Azza wa Jal les délaissera et les laissera à leur sort, et cela conduira au fait qu'ils oublieront leur propre personne. Donc, on craint pour ces personnes qu'Allah Azza wa Jalla les délaisse et qu'ils oublient leur personne, et que le voile de l'insouciance les recouvre, et qu'ils ne se rappelleront qu'au moment où le rappel ne sera pas profitable. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من أن نكون من هؤلاء. كالله عز وجل nous préserve et qui nous préserve et qui nous protège afin de ne pas être comme ce genre d'individu. أقول قولي هذا وأستغفر الله ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.